The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To turn on. Allumer. Sales. Les soldes. To queue. Faire la queue. Department store. Le grand magasin. To rush. Se précipiter. Brand name. De marque. To get a good deal. Faire une bonne affaire. To go shopping. Faire les magasins. 60% off. 60%. To take a walk. Se promener. Now, a bit faster. Brand name. De marque. To rush. Se précipiter. To take a walk. Se promener. 60% off. 60%. To turn on. Allumer. To go shopping. Faire les magasins. Department store. Le grand magasin. To rush. Se précipiter. To turn on. Allumer. To get a good deal. Faire une bonne affaire. To turn on. Allumer. Sales. Les soldes. To rush. Se précipiter. To queue. Faire la queue. To go shopping. Faire les magasins. To rush. Se précipiter. To take a walk. Se promener. Department store. Le grand magasin. To queue. Faire la queue. 60% off. 60%. Now, use the words in context. Allumer. Every morning as soon as he wakes up, he turns on the radio. Il allume la radio tous les matins dès qu'il se réveille. Les soldes. It's the first day of the sale. C'est le premier jour des soldes. Faire une bonne affaire. Go shopping with her, you'll get good bargains. Fais les magasins avec elle, tu vas faire de bonnes affaires. Se promener. Come on, let's go for a walk. Viens, on va se promener. Allumer. Every morning as soon as he wakes up, he turns on the radio. Il allume la radio tous les matins dès qu'il se réveille. Les soldes. It's the first day of the sale. C'est le premier jour des soldes. Faire une bonne affaire. Go shopping with her, you'll get good bargains. Fais les magasins avec elle, tu vas faire de bonnes affaires. Se promener. Come on, let's go for a walk. Viens, on va se promener.